Les Trépidantes de Brigitte Tornade, de Camille Collère. 19e épisode, l'inscription à l'école. Léonard est un enfant précoce. Bon, il a 2 ans, mais sans vouloir me vanter, je décèle un certain potentiel chez lui. Et je dis pas ça parce que je suis sa mère, hein, ça n'a rien à voir. C'est purement objectif. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'il rentre à l'école maternelle avec 1 an d'avance. Ah, Madame Tornade! Bonjour. Bonjour, Gérard Martin, adjoint aux animaux domestiques et à la petite enfance. Entrez, asseyez-vous. Merci. Que puis-je faire pour vous? Déjà, merci de me recevoir, hein, c'est très gentil. Alors, je vous ai demandé un rendez-vous au sujet de mon fils Léonard. Très bien, nous allons voir cela ensemble. Vous savez que Madame le maire a pour principe de toujours essayer de satisfaire ses administrés. Malgré les nombreuses sollicitations dont elle est continuellement l'objet, vous vous en doutez bien. Moi-même, j'ai hérité d'une grosse délégation avec les animaux domestiques et la petite enfance. Et croyez-moi, les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont immenses. Ah. Et je ne vous parle pas des coupes drastiques que subit actuellement le budget de la municipalité. Oui, mais bien sûr, je peux imaginer que c'est... Ouais, 6% c'est drastique. De gel budgétaire. Donc, en fait, pour Léonard... Vous savez, c'est le principe du vivre ensemble qui est remis en cause. Oh. Et oui, Madame Tornade, c'est toute la grande famille des amoureux des animaux que l'on attaque avec ces réformes. Tout à fait, tout à fait. Aussi, je ne voudrais pas prendre trop de votre temps. Donc je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? Donc, en fait, je voudrais inscrire mon fils à l'école. Très bien. Je vais noter toutes les informations nécessaires. D'accord. Pouvez-vous me rappeler sa race? Comment ça, sa race? Je comprends pas. On parle d'un petit garçon qui a 2 ans. Tout à fait. Ses vaccins sont en règle? Oui. Parfait. Date de la dernière visite chez le vétérinaire? On va voir un pédiatre. Hein. Très bien. Moi aussi, je préfère voir un pédiatre pour mon petit bichon maltais. Vous savez ce qu'il fait quand ma femme enfile son tablier? Il se lève sur ses petites papattes et alors il fait... Non mais, attendez, excusez-moi, je vous arrête, je crois qu'on ne se comprend pas. Je viens pour mon fils, qui est un petit garçon. On n'a pas de chien, monsieur Martin. C'est pas un chien, c'est un garçon. Vous n'avez pas de chien? Mais non. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Ok, alors, on voudrait l'inscrire à l'école maternelle, mais comme il n'a que 2 ans, dans ce normalement... Dans ce cas-là, contactez la directrice de l'école à côté de chez vous. Vous auriez dû me le dire dès le début, j'ai personnellement un agenda très chargé. D'accord, je comprends. Je vous remercie pour votre disponibilité, et puis peut-être à bientôt. Après cette rencontre fort instructive, j'ai donc pris rendez-vous avec Madame Pervenche, la directrice de l'école. Bien sûr, Paul et Léonard m'ont accompagnée. Écoute, je te préviens, Brigitte, moi je suis pas d'accord, donc l'entretien c'est toi qui gères. Mais t'es pas d'accord, tu préfères que Léonard végète à la crèche? Il faut qu'il rentre dans les apprentissages, Paul, il est en demande. En demande, mais n'importe quoi, Brigitte. T'es en demande, Léonard? T'es en demande? Non mais regarde-le, franchement, tu le trouves en demande là, à faller sur le sol. Touche pas à ça là, laisse ça. Tu vas en faire un singe savant, c'est tout ce que tu veux faire. Ah non, c'est bon, tu vas pas t'y mettre. Hein. Je viens de me taper un entretien avec Monsieur Martin, le côté animalier, j'ai fait le tour. Hein. Tu te rends pas compte du niveau de langage de Léonard, c'est tout. Ouais, c'est sûr que là, tout de suite, c'est pas flagrant. Regarde. Voilà, Madame Pervenche. Alors, Léonard, tu te lèves, s'il te plaît? Léonard, on joue ton avenir professionnel, là, hein, donc tu te reprends. Bonjour, Madame Pervenche. Bonjour, Alors, voici le petit dernier de la famille Tornade. Léonard, c'est ça? Bonjour. Et Léonard, tu veux pas me répondre? Léonard, ouh, tu peux retirer le doigt de ta bouche et dire bonjour? Léonard. Bon, alors voilà, il est de mauvaise humeur. C'est vraiment dommage parce que vous seriez surprise de son niveau de langage. J'en doute pas. Bon, alors, comme je vous l'ai dit au téléphone, j'ai accepté de vous recevoir, mais je vous cache pas que Léonard est tout de même très jeune pour rentrer à l'école. Oui, c'est aussi un peu ce qu'on pense. Enfin, ce qu'on pensait, hein, Paul, ce qu'on pensait. Avant de réaliser à quel point Léonard identifiait les principales fonctions de l'écrit tout en exécutant en autonomie des tâches assez simples et en mettant en relation des sons et des lettres. Je rêve ou vous avez appris par cœur le programme officiel de maternelle? Brigitte. C'est pas possible, c'est le programme officiel. Mais c'est complètement incroyable. Ça prouve qu'il est vraiment prêt, hein. Alors, mais c'est... Léonard, tu retires le doigt de ta bouche? Et par exemple, adapter son geste aux contraintes matérielles ou s'exprimer sur un rythme musical, c'est aussi au programme, hein, parce qu'il le fait, ça. Hein. Et en plus, depuis un sacré bout de temps, hein, Paul. Écoutez, l'objet de la petite section de maternelle, c'est le devenir élève. Et je ne suis pas sûre, dans le cas de Léonard, qu'il soit encore prêt. Mais si ! Il avait déjà l'air d'un élève à 6 mois, justement. Hein, Paul, tu te rappelles ? On s'est toujours dit ça, c'était complètement fou. Léonard, tu peux arrêter de fixer le plafond, Léonard ? Ah bon, alors, qu'est-ce que tu me montres là avec le doigt, hein ? Ah, le tableau au mur ! Alors ça, mon chéri, c'est une reproduction de Matisse. Tu vois ces couleurs chatoyantes ? Brigitte, il te montre la sortie, là. Tiens, tu vois, d'ailleurs, il s'en va. Allez, bon, merci, madame Pervenche. Hein, je vais suivre Léonard parce qu'il est quand même encore un petit peu petit. Allez, on y va. Bah, au revoir, à bientôt. Au revoir. Attendez-moi, Paul. Bon, écoutez, Madame Pervenche, là, il n'est pas dans un bon jour, mais je vous assure qu'il est en avance. Hein. Oh. Vous vous souvenez de Clémentine, hein? Oh oui, je m'en souviens bien. Oui. Eh ben, Léonard, c'est pareil en pire. En mieux, je veux dire. Enfin, voilà, en moyenne section, il saura lire, c'est évident. Bien sûr, je comprends. Ben, pourquoi ne pas en reparler en moyenne section, alors, justement? Je vous propose qu'on se revoie à ce moment-là. De toute façon, je vous avoue que les classes sont surchargées à la rentrée. Ah. Donc, c'est non. Bon, bah, très bien. Bah, merci. À bientôt, Madame Pervenche. Au revoir. Paul ! Bah, bravo, hein, félicitations, on vient de gagner une année de crèche en plus, t'es content? Écoute, j'y peux rien, moi, tu vois bien qu'il a pas envie d'y aller à l'école. Mais si ton fils est une plante verte à 15 ans, tu ne viendras pas de plan. Bon, ma Brigitte, hein, tous nos gosses ont des plantes vertes à 15 ans, c'est la vie. Arrête, ça, c'est vraiment pas drôle. Eh, mais si, ma puce, des plantes vertes, c'est la vie. Voilà, allez, viens, Léonard, on va jouer au ballon, viens. Alors, vraiment, il ne le mérite pas, hein. Léonard, maman est pas contente, hein. La vie trépidante de Brigitte Tornade. De Camille Collet. Avec Éléonore Jonquet, Yannick Choira, Gabriel Dufay et Carole Franck. Remerciements à Elodie Fiat. Bruitage Sophie Bissante. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Prise de son, montage, mixage Pierre Mine et Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation Lise-Marie Barré. Réalisation Cédric Ossier. Ah!